Nyangi. Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 3 août. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Hausse du prix des matériaux de construction, notamment les tôles et les carreaux. Nos reporters ont fait le tour dans la ville de Bujumbura. Nous aurons leur reportage. Deux corps d'une femme et sa fille ont été découverts ce lundi soir en commune Mugamba de la province de Bururi et cinq personnes sont déjà arrêtées pour enquête. Le reporter du jour nous conduira en commune Kayokwe de la province Moaro. C'est au centre du pays où la communauté Bato a évolué dans leur mode de vie socio-économique. Vous l'entendrez incessamment. Rebonjour, page économie. Pour débuter cette édition, la numérisation pour une reprise inclusive et une croissance économique soutenue est le principal thème sur lequel va porter les discussions lors de la 58e réunion des ministres africains des finances et gouverneurs des banques centrales de l'Afrique qui se tient ce mercredi. Et lors d'une conférence de presse ce mardi, le ministre burundais des finances, Domitien Ndihokubwayo, a indiqué que ce sera une occasion de voir ensemble comment le développement numérique peut entraîner la transformation structurelle du continent africain. On l'écoute au micro d'Yvette Nijimbere. Les ministres africains en charge des finances et la planification du développement, ainsi que les gouverneurs des banques centrales de l'Afrique, se rencontrent chaque année dans le cadre du caucus africain à leur intention. Ce dernier a été créé en 1963 dans le but de renforcer la voix des gouverneurs africains au sein du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale en ce qui concerne les questions de développement sur le continent africain. Ainsi, le caucus africain est un plateau d'échange qui, pour cette année, porte sur le thème « La numérisation pour une reprise inclusive et une croissance économique soutenue ». Ce sujet est bien choisi et arrive au point nommé compte tenu du contexte économique auquel font face les États et les populations présentement. Les discussions porteront sur les défis majeurs qui entravent la transformation structurelle du continent, surtout en ce qui concerne le développement numérique. Mais aussi, ces discussions porteront sur des voies de sortie grâce à l'appui technique adapté pour rendre les économies africaines plus résilientes. Ainsi, un moment d'échange entre les grands acteurs économiques africains sur les informations prépondérantes et pertinentes pour l'avenir de l'Afrique est ouvert durant ces trois jours de réunion annuelle des gouverneurs africains à la Banque mondiale et au FMI, c'est-à-dire du 3 au 5 août 2021. Domitien Ndihokubwayo, ministre burundais des Finances. En page politique, le Parlement burundais connaît un mandat impératif où le Parlement interagit sous l'injonction de son parti politique. Une explication du politologue et professeur des universités, Dr Denis Banchimiwusa, indique que dans les sociétés homogènes comme au Burundi, son mandat impératif aboutit inévitablement à une polarisation accrue. Le point avec Jérôme Hakizimana. Selon le politologue Dr Denis Banchimiwusa, le Parlement burundais connaît un mandat parlementaire impératif. Au Burundi, nous avons un mandat impératif de facto. Parce que nous avons les quatre critères pour avoir un député ou un sénateur. Dans le cas qui nous intéresse, cela revient à dire que le parlementaire agit sous l'injonction de son parti politique, parce que s'il ne satisfait pas son parti politique, ce dernier va le chasser de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Deuxièmement, c'est un mandat anticonstitutionnel. La Constitution dit que le mandat impératif est nul, c'est-à-dire il est interdit. Mais c'est un mandat antidémocratique, c'est-à-dire de la démocratie vers la partitocratie. Qu'il en saute alors les conséquences ? Ce politologue cite entre autres une soumission inconditionnelle. Premièrement, il y a la disparition du débat en groupe ou en plénière précédant le vote des lois. Les élus ne font qu'attendre le moment du vote pour exécuter l'ordre donné par les patrons de leur parti, d'où l'on se trouve dans une sorte de partitocratie. Les assemblées deviennent des caisses de résonance de l'exécutif aux mains du parti majoritairement au pouvoir. Deuxième conséquence, C'est une soumission inconditionnelle. Lors de la conférence qu'il a organisée à Sosidje, certains participants ont voulu savoir les causes qui auraient présidé à la mise en place de cette disposition. Jean-Michel Dewane. Comment est-ce que le pouvoir justifie juridiquement et politiquement cette mesure du mandat impératif ? Docteur Denis Bashimi Yubusa l'explique par le contexte politique du moment. En 2007 et 2008, il y a eu donc conflit entre les deux hommes forts du pays et Hussein Dajabou a fini par être emprisonné. Et une partie de ses soutiens ont continué à défendre sa cause au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à paralyser l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ils en ont été chassés. Dans les sociétés peu homogènes comme celle du Burundi, le mandat impératif aboutit en effet inévitablement à une polarisation accrue, alors que le mandat représentatif semble plutôt privilégier les compromis et la recherche du consensus, conclut ce politologue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro par cette page Sécurité et Justice. Une famille doit être informée de l'arrestation d'un membre de sa famille en ayant 14 jours. Explication du vice-président de l'Association for Justice and Equity in Burundi, Maître Mylène Salvatore, trouve que l'ignorance des officiers de police judiciaire ou magistrats ou leur probable manque de volonté sont certains des défis à la base de la non-information sur ces arrestations. C'est après que le ministère public ait annoncé récemment des cas de personnes dont des allégations portent sur leur disparition alors qu'ils sont incarcérés. On l'écoute au micro de Jean de Dieu Irakoze. Lorsqu'une personne est arrêtée, d'abord, elle doit l'être par les personnes compétentes, habilitées à le faire, en l'occurrence la police judiciaire. Et cette police dispose de 7 jours qui peuvent être prolongés jusqu'à 14, sans aller au-delà, pour interroger, pour procéder à toutes les recherches nécessaires à la découverte des faits infractionnels. Et pendant cette période allant de 1 à 14, il y a cette obligation, et c'est l'article 34 du Code de procédure pénale, il y a cette obligation d'informer la famille, là où se trouve la personne, pour quel motif la personne a été mise en garde à vue, et combien de temps cette personne va passer là-bas. Et après cette procédure, le dossier est transmis devant le parquet du ressort de cette police judiciaire qui décide si oui ou non la personne peut être poursuivie, notamment devant le tribunal compétent, pour être jugée des faits lui reprochés. Et dans tous les cas, il y a cette information qui est nécessaire, qui doit être faite à l'endroit de la famille. Et je pense notamment qu'il y a l'ignorance de cette obligation légale. Il y a aussi des fois, mais pas toujours, la mauvaise foi des officiers de police judiciaire. Évidemment, il y a aussi cette distance entre le lieu où la personne est garde à vue et l'endroit où se trouve sa famille. Mais ça ne devrait pas causer un problème vu les moyens de communication actuellement mis en place. D'autres défis, c'est notamment cette absence d'informatisation du système judiciaire en général. C'est un défi majeur qui devrait être levé par les autorités compétentes, en l'occurrence les pouvoirs publics, qui peuvent même demander une aide si cela est nécessaire. Et cet avocat trouve que l'information et la formation des magistrats et officiers de police judiciaire sur la procédure d'arrestation sont certaines des solutions pour faire face à la non-information des familles en cas d'arrestation dans des leurs. Eh bien, on suit le reportage du jour avant de suivre d'autres informations sur notamment la hausse des prix de certains matériaux de construction. On parlera également infrastructure et sécurité, comme je vous l'avais annoncé en titre. Eh bien, à tout de suite, c'est avec le reporter du jour. À la source, reportage. La communauté batois de la colline Gihinga, en commune Kayokwe de la province Moaro, évolue dans leur mode de vie socio-économique. Certains vivent de l'agriculture et de l'élevage, d'autres sont des enseignants. Chiza Tanaz, chef du cabinet du gouverneur à Moaro, confirme cette évolution de cette communauté. D'autres encore sont dans l'administration au niveau des communes et des collines, ajoute cet administratif et le pont avec Lydie Gahimbar. Nous sommes au village de la communauté batois sur la colline Gihinga, commune Kayokwe, province Mwaro. Ce village, constitué par des maisons en construction moderne, il est entouré par des champs de culture de différentes sortes. Les batois rencontrés à cet endroit disent que certains entre eux vivent de l'agriculture et d'autres pratiquent de l'élevage. Dans ce village, nous avons rencontré également un enseignant de l'école fondamentale de Nyakibari. Il fait savoir qu'il vaque normalement à ses activités. Chiza Atanas, chef du cabinet du gouverneur de Moaro, confirme cette évolution de la communauté batois de cette localité. Le tout passe par l'école. Toute personne, qu'il soit moutois, qui entre à l'école, il a des potentialités pour évoluer. Et s'il évolue, s'il termine les études, si par hasard il a un boulot, c'est une bonne occasion pour développer ses familles, ses voisins, etc. Et ça, c'est de bons exemples à d'autres qui le voient et ils essaient d'imiter ce bon exemple. Il y a d'autres activités génératrices de revenus qu'ils pratiquent. Nous avons des responsables à différents niveaux. Ils ont des responsabilités pourquoi ? Parce qu'ils sont capables, soit parce qu'ils ont étudié ou bien de par leur talent. Nous en avons dans l'administration, nous en avons dans l'enseignement et à différents niveaux. Il y en a qui ont terminé l'université. Donc, je dirais que parmi la population batoise, il y en a qui ont quand même évolué ici chez nous par rapport à d'autres régions. Cette population de la communauté batoise de la colline Gihinga témoigne une franche collaboration qui existe entre elle et la population environnante. Lidi Gahimbare de la province Moaro, randonnant en province Bururi, c'est au sud du Burundi, où deux corps d'une femme et sa fille habitant à Mugendo Ndengo, en commune Mugamba de cette province de Bururi, ont été découverts, l'un déjà enterré dans une bananerie la soirée de ce lundi, selon des sources sur place confirmées par l'administration et la police de Mugamba. Cinq personnes parmi les voisins des victimes sont dans les mains de la police de Mugamba pour enquête. Et ces deux victimes portent au nombre de quatre personnes tuées en province de Bururi en une période plutôt n'excédant pas trois jours. Les habitants de cette commune contactés demandent le renforcement de la sécurité. Les détails avec Jean-Pierre Missa. Des informations selon lesquelles il y a un calme suspect chez le domicile d'un certain Frédéric Nionizigiye à Mugendo Ndengo sont parvenues à la police et à l'administration de Mugamba vers 17h selon des sources policières et administratives sur place à Mugamba. Mais bien avant cela, les voisins de Frédéric l'avaient appelé au téléphone pour s'assurer si c'était bien lui qui avait ordonné la vente d'une de ses vaches dont le marchandage par son domestique avait commencé ce lundi matin à l'absence de sa femme. Frédéric a demandé plutôt l'arrestation immédiate de son domestique qui s'était déjà volatilisé dans la nature après avoir constaté qu'il allait être débusqué. Selon des sources sur place, sur le terrain, la police et l'administration ont décidé de défoncer la porte pour accéder à l'intérieur de la maison et le corps de la femme de Frédéric, sauvagement tué, a été découvert. Le corps de sa fille sera découvert après dans une bananerie où elle avait été enterrée selon l'administration et la police à Mugamba. Cinq personnes sont dans les mains de la police de Mugamba pour interrogatoire, selon le commissaire communal de police à Mugamba. Pendant ce temps, Venuste Naombaye, administrateur communal de Mugamba, demande à sa population de redoubler de vigilance et dénoncer à temps tout suspect et embaucher des domestiques avec identification et les faire enregistrer à l'administration locale. Ces personnes tuées à Mugendo Ndengo portent à 4 l'effectif des personnes tuées en province de Bururi dans seulement 3 jours après celle tuée décapitée en commune Rutovu et une autre tuée à coup de bâton en commune Songa. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. De Bururi au sud du Burundi, revenons à mairie de Bujumbura pour parler commerce. Le prix de certains matériaux de construction comme les tôles et les carreaux a augmenté de prix, ont été augmentés durant les deux derniers mois, disent certains acheteurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro en précisant que les tôles ont passé de 40 000 francs burundais à 50 000 et les carreaux de 50 000 à 53 000 francs burundais. Le carton pour les importateurs de ces matériaux. Cette situation est notamment due aux problèmes de transport. Le point avec Arthur Kavabushi. Ces matériaux de construction dont les prix ont grimpé sont dans les magasins du quartier asiatique dans la ville de Bujumbura. L'exemple est celui d'un carton de carreaux qui est passé de 50 000 francs à 53 000 francs bout. Celui des tôles de 40 000 francs à 50 000 francs bout. Le kilo des clous de 4 000 à 5 000 francs bout et le fer à béton de 25 000 à 42 000 francs bout. Un des acheteurs indique comment est la situation. En fait, les prix ont grimpé. Le ciment Bousseco, qui était à 24 000 francs burundais, s'achète actuellement à 28 000 francs si on a la chance d'en trouver. Le carton de carreau s'achète entre 53 000 et 58 000 francs, mais en 2020, il s'achetait à 28 000 ou à 24 000. On est obligé d'acheter puisque c'est bientôt la saison des pluies. Cet acheteur indique qu'ils attendent la réaction de l'État. Nous attendons voir si l'État va remettre les choses en ordre, car ça nous perturbe pour finir nos chantiers. Un des importateurs de ces matériaux de construction dit que c'est dû aux problèmes liés au transport. Durant ces jours, beaucoup de produits ont grimpé à cause des problèmes de transport et la pandémie de la COVID-19. C'est pourquoi les prix ont monté. Même tout le pays a des problèmes à cause de la COVID-19 et les magasins ferment. Il y a également des problèmes liés au transport et à l'importation des marchandises. Ce qui fait que les prix montent. Ces tarifs viennent de durer 3 mois. Arthur Kavabushi, des habitants de la zone urbaine de Moussaga, apprécient positivement le pavage de certaines routes, notamment la 3e et la 4e avenue. Ils disent qu'avant, lors de la saison pluvieuse, les routes étaient impraticables. Ils demandent toutefois la continuité de ces travaux dans d'autres localités, notamment les 1e et 2e avenues qui sont actuellement en mauvais état. Et voilà, 13h13 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais vous retiendrez que deux corps d'une femme et sa fille ont été découverts ce lundi soir en commune Mugamba de la province Bururi et 5 personnes sont déjà arrêtées pour enquête, confirme les sources administratives et policières en commune Mugamba. Dans cette édition, on a également parlé de la hausse du prix des matériaux de construction, notamment les tôles et les carreaux. Vous venez d'entendre notre reporter Arthur Kavabushi. Le reportage du jour nous a conduit en commune Kayokwe de la province Mwaro, où on a parlé de l'évolution socio-économique de la communauté Batwa de cette province. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde, à l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous. Au revoir.